Deuxième livre de Samuel, chapitre 6. David assembla encore tous les hommes d'élite d'Israël, qui furent 30 000 hommes. Puis David se leva et partit avec tout le peuple qui était avec lui vers Baalé de Juda, pour transporter l'arche de Dieu, duquel le nom est appelé, le nom de l'Éternel des armées, qui habite entre les chérubins sur l'arche. Et ils mirent l'arche de Dieu sur un chariot tout neuf, et l'emmenèrent de la maison d'Abinadab, qui était au coteau, et Uzza et Ahjio, enfants d'Abinadab, conduisaient le chariot neuf. Et ils l'emmenèrent, savoir l'arche de Dieu de la maison d'Abinadab, qui était au coteau, et Ahjio allait devant l'arche. Et David et toute la maison d'Israël, jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments faits de bois de sapin, et des violons, des musettes, des tambours, des sistres, et des cymbales. Et quand ils furent venus jusqu'à l'aire de Nacon, Uzza porta sa main à l'arche de Dieu, et la retint, parce que les bœufs avaient glissé. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzza, et Dieu le frappa là à cause de son indiscrétion, et il mourut là près de l'arche de Dieu. Et David fut affligé de ce que l'Éternel avait fait brèche en la personne d'Uzza, c'est pourquoi on a appelé ce lieu-là jusqu'à aujourd'hui Péré-Uzza. Et David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et dit, « Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi ?» Et David ne voulut point retirer l'arche de l'Éternel chez soi en la cité de David, mais il la fit détourner en la maison d'Obed-Édom-Guitien. Et l'arche de l'Éternel demeura 3 mois en la maison d'Obed-Édom-Guitien, et l'Éternel bénit Obed-Édom, et toute sa maison. Depuis on vint dire à David, « L'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom, et tout ce qui lui appartient, pour l'amour de l'arche de Dieu. » C'est pourquoi David s'en alla, et amena l'arche de Dieu de la maison d'Obed-Édom, en la cité de David, avec joie. Et il arriva que quand ceux qui portaient l'arche de Dieu eurent marché 6 pas, on sacrifia des taureaux et des béliers gras. Et David sauta de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. Ainsi David et toute la maison d'Israël, menaient l'arche de l'Éternel avec des cris de joie, et au son des trompettes. Mais comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal fille de Saül, regardant par la fenêtre, vit le roi David sautant de toute sa force devant l'Éternel, et elle le méprisa en son cœur. Ils emmenèrent donc l'arche de l'Éternel, et la posèrent en son lieu, dans un tabernacle que David lui avait tendu. Et David offrit des holocaustes, et des sacrifices de prospérité devant l'Éternel. Quand David eut achevé d'offrir des holocaustes, et des sacrifices de prospérité, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Et il partagea à tout le peuple, savoir à toute la multitude d'Israël, tant aux hommes qu'aux femmes, à chacun un gâteau, une pièce de chair, et une bouteille de vin, et tout le peuple s'en retourna chacun en sa maison. Puis David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal fille de Saül vint au devant de lui, et lui dit, que le roi d'Israël s'est fait aujourd'hui un grand honneur en se découvrant aujourd'hui devant les yeux des servantes de ses serviteurs, comme ferait un homme de néant, sans en avoir honte. Et David dit à Michal, « En a été devant l'Éternel, qui m'a choisi plutôt que ton père, et que toute sa maison, et qui m'a commandé d'être le conducteur de son peuple d'Israël, c'est pourquoi je me réjouirai devant l'Éternel. Et je me rendrai encore plus abject que je n'ai fait 7 fois, et je m'estimerai encore moins, malgré cela je serai honoré devant les servantes dont tu as parlé. » Or Michal fille de Saül n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort.